Has begun. We've been listening to how to practice. The instructions have been mentioned that we aim the mind and we apply effort and we try to observe primarily the rising and falling of the abdomen. We begin with observing that in the sitting, as it is an easy object to observe. But the practice is to observe every object that becomes apparent as it happens, beginning with the rising and falling of the abdomen. And we try to observe these rising and falling movements as continuously and precisely as possible. So we know that these are the instructions by this time. Depuis que nous avons commencé la retraite, nous avons reçu les instructions comment pratiquer, comment focaliser notre attention. Et essentiellement, c'est d'observer le soulèvement et l'abaissement, ce qui est facile à observer. Mais plus en général, nous observons chaque objet apparent. En l'occurrence, nous observons le soulèvement et l'abaissement de façon continuelle et avec précision. Voilà les instructions que nous avons reçu jusqu'à là. Je voudrais donner les lignes directrices comment pratiquer avec respect et avec et soigneusement. Ça vous permettra d'obtenir plus de résultats dans votre pratique. Donc d'abord j'ai récité en pali, maintenant en anglais, et après nous allons étudier ça ligne par ligne pour comprendre et qu'est-ce que ça veut dire en anglais, ce que j'ai récité en pali. Celui qui possède les yeux se conduit comme un aveugle. Celui qui possède les oreilles se conduit comme un sourd. Celui qui possède la langue se conduit comme muet. Et celui qui possède la force se conduit comme quelqu'un de faible. Et quand apparaissent des problèmes, il se conduit, il est couché, il ne bouge pas comme un cadavre. Concernant la faiblesse, quelqu'un qui est fort, qui est en bonne santé, se conduit comme s'il était faible. Quelqu'un qui, par exemple, quelqu'un qui n'est pas fort, qui est faible, doit se mouvoir, bouger lentement. Quand il n'a pas de force, il doit bouger lentement. Autrement, il va tomber. C'est comme une personne âgée. Quand, par exemple, cette personne se lève, elle doit attendre un tout petit peu et elle ne peut pas tout de suite partir. Pourquoi? Parce que, par exemple, le sang n'a pas eu le temps de monter au cerveau. Et alors une personne âgée va attendre un tout petit peu. La même chose avec une personne qui a mal au dos. Si elle se lève rapidement, ça va faire mal. Donc, une personne comme ça bouge en prenant attention. À l'intérieur de nous, il y a la matière, il y a l'esprit. Et la matière est très subtile, très fine à l'intérieur de nous. Et si l'esprit, si on bouge rapidement, l'esprit n'aura pas la possibilité de suivre la matière. Si nous voulons observer attentivement, soigneusement, avec respect, et si nous observons de cette façon, alors nous allons voir les caractéristiques individuelles de la matière et des phénomènes mentaux. Nous allons voir comment la matière et l'esprit sont reliés en tant que cause et effet. Nous allons aussi voir que ils apparaissent, ils disparaissent, donc et ils sont transitoires, ils sont impermanents. Et de là vient la compréhension du fait qu'ils sont insatisfaisants. Et de là vient la compréhension qu'ils sont, il n'y a pas de soi dans ces deux choses-là, de ces deux phénomènes. Et pour voir tout cela, il faut se mouvoir lentement. Vous pouvez se poser la question, comment je bouge, comment quand je me lève, quand je change la position, par exemple, quand je passe de la posture assise à la posture debout ou l'inverse, quand je me déplace d'un endroit à l'autre, est-ce que je me dépêche ou c'est autrement? Évidemment, quand vous êtes obligé de vous adapter aux autres, là, c'est une autre situation. On est obligé de s'adapter. Nous ne pouvons pas juste aller tout doucement comme un escargot. Donc, on est obligé de prendre une vitesse approprié, adapté. Ici, par exemple, il n'y a pas autant de yogis, alors vous pouvez faire comme ça vous convient, quoique quand même à essayer de prendre l'habitude de noter régulièrement. Par exemple, si vous mangez, nous avons à peu près tous le même temps pour manger. Essayez de ne pas manger trop lentement pour faire attendre les cuisiniers. En fait, regardez un peu le contexte. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes derrière vous, alors vous pouvez faire un peu plus rapidement. Ou en l'occurrence, si vous prenez une douche, si vous faites ça vraiment très lentement, alors vous allez... Vous allez avoir froid. Donc vous n'êtes pas obligé de faire de façon très, très détaillée. Mais quand vous êtes, vous pratiquez la méditation assise, vous n'êtes pas obligé de... vous pouvez... En fait, appliquer autant de respect, de soin que ça soit possible. Quand vous pratiquez, alors pratiquez comme une personne handicapée, donc ne vous levez pas rapidement, ne descendez pas rapidement si vous penchez, vous étirez. Un membre, ne faites pas ça tout d'un coup. Essayez de le faire comme une personne malade. Alors, Celui qui a les yeux se conduit comme un aveugle. Ça veut dire ne pas montrer l'intérêt aux objets visuels. Ce qui intéresse le yogi, c'est le processus de voir et non et pas les objets. Donc ne regardez pas de façon ne donnez pas l'importance ou ne cherchez pas à regarder. Évidemment, on n'est pas obligé de mettre un bandeau ou fermer les yeux, mais quand vous vous déplacez, ne regardez pas autour. Conduisez-vous comme une personne aveugle. Et celui qui possède les oreilles se conduit comme une personne sourde. Une personne, celui qui est sourd, ne va pas s'intéresser à ceux qui ne va pas s'intéresser au son. De la même façon, le yogi ne laisse pas les sons interrompre son travail. Donc, de cette façon, il se conduit comme une personne sourde. Ceci dit, pendant les enseignements, il faut écouter le contenu de l'enseignement. Évidemment, si vous ne comprenez pas une partie en langue étrangère, à ce moment-là, vous pouvez juste noter, entendre. Ne pas écouter le contenu, mais quand vous comprenez, alors à ce moment-là, il faut essayer de comprendre le contenu de l'enseignement. Et même si on possède la sagesse, on se conduit comme une personne mute. Mute means they're unable to speak. Ah, j'ai un trou. Muette, voilà, une personne muette. Donc, littéralement, c'est ça, incapable de parler. Évidemment, nous avons lu pas mal de choses, mais on se conduit comme si on ne savait rien. Et ça, ceci concernant les connaissances mondaines, mais même pour ce que nous avons lu sur la spiritualité, c'est la même chose. On n'a pas besoin de cela. Ce dont on a besoin, c'est juste les instructions que nous recevons ici. Dans le monde, penser, réfléchir, avoir des concepts, c'est quelque chose d'appréciable. Dans le Vipassana, les pensées et les concepts ne sont pas aidants. Pourquoi? Parce que en fait, ça nous empêche d'observer. Et donc, si apparaissent les pensées ou si on commence à analyser, alors à ce moment-là, nous notons immédiatement pensée, analyse, etc. L'instruction suivante est en lien avec la douleur. Quand vient la douleur, restez comme un cadavre. Quand nous commençons à méditer, on peut expérimenter des sensations désagréables. Ça peut faire mal. Ici, nous sommes pour observer la nature des choses qui apparaissent. Et donc, l'approche à adopter, ce serait de prétendre que le corps, notre corps, c'est comme un cadavre. Le cadavre ne va pas ne va pas pleurer si on le pique. Donc c'est pour cela qu'il est utile de considérer, de prétendre que le corps c'est un cadavre. Ceci est utile. Pourquoi? Parce que entre autres, pour nous, les sensations de douleur et sa réaction, c'est la même chose. On ne différencie pas les deux. Je vais décrire comment travailler avec la douleur. En général, la concentration, ça aide à gérer la douleur. Je vais utiliser une analogie d'une bataille. Je m'excuse déjà pour ceux qui ont fait qui sont dans l'armée. Moi, personnellement, je n'ai pas fait de guerre, je ne suis pas dans l'armée, mais c'est juste une analogie. Alors, imaginez une bataille. Si on est fort, si on a l'avantage par rapport à l'ennemi, alors on va avancer et on va infliger une défaite à notre ennemi. Par contre, si de notre côté il n'y a pas assez de force, donc nous allons nous retirer et mener la guerre comme guérilla. Dans le premier cas, quand la douleur apparaît, vous pouvez tout simplement noter et la douleur va disparaître progressivement. Et vous pouvez revenir à votre objet principal. Mais parfois, quand notre concentration est forte, alors la douleur va s'accroître. Quand nous notons, en fait, la douleur va devenir de plus en plus insupportable. Il se peut que la douleur va s'accroître et va devenir insupportable. À ce moment-là, vous pouvez ne pas noter, juste détendez-vous un tout petit peu, élargissez votre attention, détendez, regardez, observez de façon plus détendue, sans appuyer votre attention à l'objet. Après quelques temps, il se peut que la douleur va devenir plus forte. Ce que vous pouvez faire, c'est de laisser la douleur de côté et aller sur l'objet primaire. Et ça vous donnera la chance de développer plus de concentration. Donc la guérilla, donc ce sera de... quand il y a la douleur, d'abord on se retire comme des maquisards et donc on revient à l'objet primaire. Après, de nouveau, nous regardons la douleur et nous nous retirons de nouveau vers l'objet primaire. Et il se peut que la douleur sera insupportable et alors il y a une autre méthode. Quand la douleur est insupportable, nous essayons de développer la concentration, mais si elle continue d'être insupportable, alors on va battre la retraite. Et évidemment, nous n'allons pas battre à la retraite, en retraite, en laissant tomber nos armes. Nous faisons ça avec dignité. De la même façon, dans notre méditation, quand la douleur est insupportable, alors nous décidons de battre en retraite. À ce moment-là, comment nous faisons ça? Nous pouvons changer la posture. D'abord, nous notons l'intention de bouger. Et après, nous notons tous les mouvements, tous les éléments de ce mouvement, les différents éléments l'un après l'autre. Donc la même chose, la chose principale que quand apparaît une douleur, nous l'observons avec patience en essayant de comprendre sa nature. Une fois qu'on a fait cet effort, à ce moment-là, nous pouvons, quand la douleur est insupportable, nous pouvons changer. Donc nous observons la douleur et après nous décidons de changer et nous changeons en étant attentifs, en commençant par le par obs en observant, en notant l'intention de bouger. J'imagine qu'il y a plus d'une personne ici qui a des blessures, dont le corps était blessé ou qui a des douleurs chroniques. Alors, à chacun de voir comment gérer ces problèmes. En ce qui concerne la pratique, essayons d'observer ce qui se passe. Nous devons pratiquer sans interruption tant que nous sommes réveillés. C'est un peu comme les roues de notre voiture doivent tourner pour recharger la batterie. Donc, nous devons observer les moments avec autant de continuité que ça soit possible. Donc, une observation est suivie par l'autre et elle, à son tour, elle est suivie par l'autre sans distance entre les deux. Il y a quatre postures majeures durant la journée, c'est d'être allongé. Donc de cette posture, quand on se lève par exemple, on s'assoit, donc la deuxième posture. La troisième, quand on est assis, on se lève. Et de là, on peut commencer à marcher. Donc ça, c'est les quatre postures majeures. Et entre les quatre, il y a aussi les postures mineures, comme par exemple étirer le bras, se laver le visage, etc. Donc, nous essayons d'observer tout ceci. Et si nous faisons ces observations constamment, nous allons développer une force d'esprit. Nous devrons essayer de. Nous ne devrions pas être découragés si en essayant de si au début, quand nous essayons de noter de plus en plus, nous allons voir que nous ratons plusieurs moments. En fait, ça indique le fait que nous n'arrivons pas à tout noter, ça indique que notre attention se développe. Donc, à ce moment-là, ce que nous pouvons faire, c'est de noter ce que nous avons raté. Et de noter de cette façon, ça permettra de développer l'énergie. Et pour développer cette continuité, il faut bouger lentement. Quand on se lève, quand on s'assoit, quand on cherche à prendre quelque chose. Et alors à ce moment-là, l'esprit peut suivre tout ça et noter. Donc, oui, on peut noter, on peut changer la posture. Non, nous ne pouvons pas, nous ne devrions pas de changer, d'arrêter de noter, d'observer. Je voudrais vous raconter une histoire d'un jeune homme à l'époque du Bouddha qui éventuellement est devenu a atteint l'illumination, l'éveil. C'était plutôt, c'était pas vraiment un garçon, c'était déjà un jeune homme, adolescent, et il était mendiant. Donc, il n'avait pas de travail. Et donc, il mendiait, et Ananda, qui était qui était le Bouddha, qui était son serviteur. Donc, il a eu pitié de ce jeune homme et il a offert à ce jeune homme de lui donner des vœux de novice. Le jeune homme a accepté et quand il a accepté ses vœux, il a mis les robes. Et il a laissé ses haillons et son assiette de mendiant dans l'arbre. À peu près à l'âge de 20 ans, il a reçu l'ordination, de la pleine ordination. Et donc, il n'avait pas de problème, quelques problèmes que ce soit matériels. Il avait de la nourriture qui était fournie, il avait des vêtements, etc. Et à tel point, il vivait bien qu'il est devenu un peu même gras. Et à un certain moment, il commençait à être dissatisfait avec cette situation. Tout était offert et il se disait, oui, non, mais je devrais pas prendre cette nourriture donnée par les autres. Je devrais devenir de nouveau mendiant et faire ça moi-même. Et ça revenait régulièrement après quelques jours. Alors, quand il avait ses crises, alors à ce moment-là, il allait visiter son arbre et regarder, il regardait sur ses vêtements et il regardait ses vêtements et son assiette de mendiant. Et en fait, c'était des vrais haillons. Il n'y avait pas un endroit où c'était pas rapiécé. Et en voyant ceci, il se disait, bah, là, t'es stupide quand même, c'est bête. Pourquoi tu veux quitter le lieu où tu as de la nourriture, tu as des vêtements tout fournis? Pourquoi tu veux quitter tout ça? Et donc, voyant tout ça, ayant réfléchi comme ça, il revenait au monastère et sa dissatisfaction se calmait pendant quelque temps. Et de temps en temps, tous les quelques jours, il était dissatisfait avec sa situation de moine. Donc, il allait à cet arbre et il regardait ses vêtements, il regardait son assiette et il revenait au monastère. Et donc, il le faisait assez régulièrement. Et donc, il prenait ce petit chemin entre le monastère et son arbre. Et avec le temps, les moines, ils ont remarqué ces balades. Et alors, ils ont posé la question, alors où tu vas comme ça? Et il répondait, je vais voir mon maître. Et à une occasion, il est revenu encore à son arbre, mais là, son esprit a atteint une certaine maturité, et donc il a regardé ses haillons, et il les a regardés avec un regard de Vipassana. Il a vu la vraie nature de ses haillons. Et il voyait les caractéristiques générales de l'action de voir, mais aussi les caractéristiques particulières de l'impermanence, de la souffrance, de l'absence de soi. Et donc, à travers cette pratique de Vipassana, il a atteint l'état de l'arhat. Arhant. Depuis, à partir de ce moment-là, il ne revenait plus à son arbre. Et quand il a arrêté de le faire, d'aller à son arbre, alors les d'autres moines, ils ont posé la question, bah, alors quand est-ce que tu vas voir ton maître? Et elle a répondu, je n'ai plus besoin de cela. Alors, ils ont pensé qu'il mentait, qu'il n'avait plus besoin de maître, et ils l'ont pris, ils sont allés voir le Bouddha. Et le Bouddha a dit oui, c'est vrai. Il avait une relation avec son maître, mais il n'a plus besoin de cette relation. Il a appris par lui-même, et donc c'est pour cela qu'il a il n'a plus besoin de voir son maître. Et donc il a fait louange, le Bouddha a fait louange de ce Théra, et il disait, rarement dans le monde nous trouvons une personne retenue par un sentiment de honte. Tel un cheval bien dressé, il évite le fouet. Elle évite la disgrâce. Je souhaite que vous continuiez votre pratique et utilisez, appliquez les instructions appropriées. C'est à vous de décider pour vous-même les instructions que vous voulez appliquer. C'est vous qui sont sur le coussin. J'espère que c'est pas je ne vous confonds pas trop, parce que c'est suffisamment clair. En tout cas, je vous souhaite d'avoir le succès dans votre pratique, d'obtenir les bonnes choses pour lesquelles que vous souhaitez, d'obtenir la liberté définitive, finale, d'obtenir la libération complète. En utilisant cette opportunité précieuse. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. So I hope that everyone will continue with their practice and use the instruction according to what you feel is appropriate. So take it in. But you are the one who's on the meditation cushion, not me. So you have to decide how you're going to apply the instructions. Anyhow, does that confuse you? No. Okay, so I hope all of you will be successful and gain the good things that you would like to gain, especially freedom from the defilements and full liberation by applying the practice and this precious opportunity.